C'est qui est chouette. On va faire une légère pause dans la musique d'Oasis en écoutant Gaëtan Roussel et son nouveau titre, Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près ? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleuves? Pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais que nous des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, tu sais, je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. Aujourd'hui dans Blockbuster, on parle d'Oasis et nous sommes toujours avec Nico Pratt, Benjamin Durand et mon camarade et ami Tanguy Pastureau. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster, avec Frédéric Sigrist. Oasis is legacy. Oasis, si Oasis laisse quelque chose, bah évidemment c'est subjectif, mais moi je dirais... Don't look back in anger. Don't look back in anger. Alors une chanson qui a accompagné un attentat et un événement tragique en Angleterre et justement j'aimerais m'appuyer là-dessus pour savoir ce que représente Oasis pour l'Angleterre, parce qu'en fait c'est des musiciens qui sont des musiciens de stade, comme vous le dites dans le livre, et ils ont créé des hymnes d'une génération, d'un peuple. Donc que représente Oasis pour le soft power anglais?